le vide est en moi les ombres fantômes, fantômes et où esprit, esprit qui dérive vers l'immonde, l'immonde vers l'inconnu.